Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez des ustensiles de cuisine, les ingrédients pour faire un cake aux noix de pécan, un frère et une sœur pour obtenir la bataille culinaire. J'entre dans la cuisine. Sur la table, une casserole, un saladier, un fouet, une spatule, du beurre, un pot de lait, de la crème, de la farine, du sucre, sans oublier les noix de pécan et les œufs. Pour être sûr que rien n'a été oublié, je consulte le livre de recettes. Tout est prêt, parfait. Ma sœur arrive. Sans rien dire, on sépare les ingrédients en deux tas égaux. Au gramme près, s'il vous plaît. Puis on enfile nos tabliers et on se retrousse les manches. Ma sœur visse la casserole sur sa tête, moi le saladier. On se serre la main, la bataille peut commencer. Ma sœur allait gagner lorsque papa m'a sauvé. Enfin, pas vraiment. On a été privés de dessert et condamnés à la corvée de ménage jusqu'à nouvel ordre.